L'allemand parlé en Allemagne, bien sûr, mais aussi en Autriche et en Suisse, et ses cousins germains, le néerlandais et le flamand, ne dérivent pas du latin, mais, comme lui, viennent d'un ancêtre commun, l'indo-européen. Et de ce fait, l'allemand, comme le latin, a été influencé dans sa structure, notamment par la place du verbe. De plus, en allemand comme en latin, il existe trois genres et des déclinaisons, ce qui rend plus facile l'apprentissage du latin qui est étudié par quelque 800 000 jeunes. Et les Allemands, de façon plus générale, ne craignent pas, à la différence des Français, de parler latin. Ils y sont peut-être encouragés par deux œuvres récentes d'universitaires allemands. L'une de Jürgen Leonhardt, Le latin, histoire d'une langue universelle, publiée en 2010. Et l'autre, plus provocatrice, publiée 2 ans avant, Le latin est mort, vive le latin, de Wilfried Stroh. En outre, en plus des préfixes tels multi, inter, bi ou mini, etc., parmi les quelques 350 mots réellement dérivés du latin, nous pouvons reconnaître par exemple cultura dans cultur, kellarium dans keller, la cave, et même scribere peut se retrouver dans schreiben, écrire. Exemple encore plus probant s'il le fallait. La ville allemande de Brême, avec son demi-million d'habitants, publie sur la toile un journal et une émission télévisée en latin depuis 1989. Dernier exemple, et non des moindres, chez nos voisins allemands, dont le pays, en majeure partie, au nord et à l'est du Rhin, n'a jamais fait partie de l'Empire romain, comme pour les Finlandais. Or, un des pionniers du latin vivant est Celestis Ehrenzer, rédacteur en chef désormais de la revue Vox Latina, la voix avec un X latine, fondée en 1963 par un autre Allemand. 25 ans plus tard, Celestis Ehrenzer traduisit en latin L'île noire et en 1993 Les cigares du pharaon. Voilà donc encore quelques personnes pour qui le latin n'est pas mort et ne demande qu'à revivre.